travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Napoléon, qui croit toujours ce qu'il désire, pense qu'il reviendra sur la Russie après avoir achevé de soumettre l'Espagne en 4 mois. Il dit à la députation de la ville de Madrid « Il n'est aucun obstacle capable de retarder longtemps l'exécution de mes volontés. » Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Cette émission ne se mêle pas d'ordinaire de traiter des anniversaires, puisque ceux-ci stimulent un peu partout, en abondance sur les ondes, des initiatives qui occupent très bien l'espace. Une exception me paraît pourtant s'offrir dans le cas de Napoléon. Non pas pour participer à l'exercice répandu d'un jugement sur sa haute figure, mais pour braquer l'attention sur les échos et les rebonds d'une postérité dans un champ spécifique, celui de l'empereur homme de guerre. Nous allons traiter ce matin de l'emprise que les guerres napoléoniennes ont pu avoir depuis 2 siècles, telles qu'elles ont été étudiées, interprétées ou fantasmées sur les doctrines et sur les pratiques stratégiques. L'œuvre de Clausewitz, considérant Napoléon dans son ouvrage illustrissime et posthume intitulé « De la guerre », brille ici d'un éclat particulier. Et il a eu une grande influence, quand bien même cette œuvre majeure a été interprétée, d'âge en âge, de façon fort variée. Mais bien d'autres noms surgissent dans la suite des temps, tels par exemple Foch, Jaurès ou De Gaulle. L'enjeu de l'héritage des guerres du Consulat et de l'Empire n'a pas été seulement intellectuel et de beaucoup, il a concerné de plein fouet, au long de 2 siècles, la forme et les douleurs des affrontements entre les peuples, la géopolitique des dominations et des compromis, et aussi très concrètement, des millions et des millions de morts. Chaque fois que sont traitées ici les choses militaires, j'aime à solliciter la compétence d'Hervé Drévillon, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne et directeur de l'Institut des études sur la guerre et sur la paix. Allons-nous faire avec lui ce matin de l'histoire bataille ? L'expression a été longtemps méprisante. Probablement, peut-elle cesser de l'être, nous allons voir, si l'on s'attache à enraciner ces violences dans le tuf des civilisations contemporaines. Et d'abord un texte de Stendhal, extrait de son livre inachevé et posthume, publié en 1876, « Vie de Napoléon ». Nous avons représenté Napoléon avec les traits qui nous semblent résulter des récits les plus fidèles. Nous-mêmes, nous avons habité sa cour plusieurs années. C'est un homme doué de talents extraordinaires et d'une dangereuse ambition. L'être le plus admirable par ses talents qui est paru depuis César, sur lequel il nous semble l'emporter. Il est plutôt fait pour supporter l'adversité avec fermeté et majesté que pour soutenir la prospérité sans s'en laisser enivrer. Emporté jusqu'à la fureur quand on contrarie ses passions, mais plus susceptible d'amitié que de haine durable. Entaché de quelques-uns des vices indispensables à un conquérant, mais non pas plus prodigue de sang ni plus indifférent envers l'humanité que les Césars, les Alexandres, les Frédérics, gens auprès desquels on le placera et dont la gloire va tomber tous les jours. Napoléon a été engagé dans plusieurs guerres qui ont fait répandre des flots de sang, mais dans aucune, si l'on accepte la guerre d'Espagne, il ne fut l'agresseur. Il a été sur le point de faire du continent de l'Europe une vaste monarchie. Ce projet, s'il a existé, est sa seule excuse pour n'avoir pas révolutionné les États qu'il conquit et n'en avoir pas fait des appuis de la France en les jetant dans la même route morale. La postérité dira que ce fut en repoussant les attaques de ses voisins qu'il étendit son empire. Les circonstances, en me suscitant des guerres, dit-il, m'ont fourni des moyens d'agrandir mon empire et je ne les ai pas négligés. Sa grandeur d'âme dans l'infortune et sa résignation ont été égalées par quelques-uns, surpassées par personne. Hervé de Réveillon, bonjour. Bonjour. Il me semble que dans ce texte, on voit déjà poindre un certain nombre des interrogations qui vont être les nôtres ce matin sur les batailles de Napoléon, les guerres de Napoléon, et déjà par conséquent l'évocation de ce qu'elles vont laisser comme trace dans les sensibilités et dans les comportements ultérieurs pendant 2 siècles. Oui, en effet, et Stendhal y a beaucoup contribué par son étude de la vie de Napoléon, mais aussi par ses romans. Les romans ont joué un rôle très important dans la mémoire des guerres napoléoniennes, mais aussi ils ont aussi contribué, je crois, à l'essentialisation des guerres napoléoniennes, notamment en se concentrant sur la bataille, et Stendhal l'a illustré par la participation de Fabrice Del Dongo à la bataille de Waterloo dans la Chartreuse de Parme. Où il montre l'homme perdu au milieu de la bataille, ne comprenant pas bien ce qui se passe, voyant Ney passer à distance sur l'horizon, etc. Voilà, et effectivement, justement, Stendhal, par le parcours de Fabrice Del Dongo, eh bien, souligne aussi l'enjeu de la difficulté de rendre compte de la bataille comme un phénomène total. Eh bien, nous allons nous y employer pendant une heure, mais peut-être convient-il que vous nous rappeliez d'abord à grands traits ce qu'ont été ces guerres de Napoléon, en nous disant si vous commencez à Bonaparte avant Napoléon. Il y a effectivement une problématique de la définition des guerres napoléoniennes, parce que si on s'en tient au sens strict, donc les guerres napoléoniennes sont les guerres menées par l'empereur Napoléon Ier de 1805 à 1815, mais il y a une tendance aussi de projection rétrospective de la notion de guerre napoléonienne sur toutes les guerres auxquelles Napoléon Bonaparte a participé. Alors, Napoléon Bonaparte, il s'engage dans les guerres de la Révolution française. Bon, sa première action qui a un petit peu exalté sa gloire, c'est le siège de Toulon en 1793, mais là, il n'a pas joué un rôle décisif. Ensuite, l'Italie et l'Égypte. Voilà. La première fois où Bonaparte a joué un rôle décisif dans la guerre, c'est la campagne d'Italie en 1796-1797, où là, non seulement il a remporté cette campagne, mais c'est lui qui a négocié le traité de paix qui a mis fin à la guerre de la première coalition, c'est le traité de Campo Formio en 1797. Le politique et le militaire déjà se mêlent. Et ensuite, il y a l'Égypte. Alors ensuite, la campagne d'Égypte, c'est lors de la guerre de la deuxième coalition, dans laquelle s'est engagée la Russie. Ça, c'est un phénomène nouveau. La première datait de la Révolution, des années révolutionnaires. Voilà. La deuxième coalition, donc. Jusqu'à présent, les principaux acteurs de la coalition anti-française, c'était la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Prusse, et là, la Russie s'y ajoute. Maintenant, il y avait d'autres acteurs, mais qui ont joué un rôle moins décisif. Alors, la campagne d'Égypte, c'est une façon de déstabiliser la dimension de la domination de la Grande-Bretagne sur l'espace méditerranéen. Le théâtre extérieur. Voilà, donc elle a un enjeu stratégique, mais là, Bonaparte n'arrive pas à contrôler l'espace méditerranéen. Il s'engage dans la campagne d'Égypte et, en fait, il en tire un bénéfice politique en exaltant sa gloire militaire, alors qui ne produit aucun effet stratégique, mais qui montre sa valeur militaire. Ensuite, après le coup d'État du 18 Brumaire... Fin 1799. Voilà. Eh bien, là, Napoléon va confirmer son statut politique qui a été exalté par le coup d'État. Il va le soutenir par ses compétences militaires, notamment qui s'expriment par la deuxième campagne d'Italie et la victoire de Marengo en 1800. Et là, c'est ce qui définit quand même beaucoup les guerres napoléoniennes, c'est appuyer le système politique sur le fait militaire. La paix d'Amiens, donc un premier temps de paix, on peut penser que les choses vont se calmer, mais ça rebondit. En 1805, l'objectif principal à ce moment-là de sa stratégie, c'était l'invasion du Royaume-Uni. Mais comme il n'arrive pas à contrôler l'espace maritime de la Manche, là, il ne peut pas s'engager dans l'invasion du Royaume-Uni. Pas et de donc, nouveau Guillaume le Conquérant. Voilà, et donc il se projette sur cet autre adversaire qui est l'Autriche, et c'est la campagne qu'on appelle la campagne d'Austerlitz, parce que elle se termine le 2 décembre 1805 par la victoire d'Austerlitz qui soumet non seulement l'Autriche mais aussi la Russie. Donc à nouveau une espérance de paix. Et puis ça rebondit. Effectivement. Mais il y a, dès l'année suivante, une nouvelle campagne qui va avoir un rôle décisif. C'est la campagne qui va soumettre la Prusse après la victoire de la bataille de Jena à Auerstadt. Enfin, c'est une double bataille en octobre 1806. Et là, Napoléon poursuit sa campagne jusqu'à l'espace polonais pour soutenir le duché de Varsovie et s'opposer à la Russie. Et là, ça va se terminer en 1807 et ça va amener, je dirais que c'est l'apogée des guerres napoléoniennes, puisque là, Napoléon soumet la Prusse à son autorité, il soumet l'Autriche à l'obligation de s'allier à lui, et puis il obtient la paix avec la Russie. Alors, par la suite, l'Autriche va se révolter et ça va alimenter une deuxième campagne en 1809 et qui va s'achever par la bataille de Wagram. Et c'est à ce moment-là... La victoire de Wagram encore et puis ensuite la Russie. Voilà. À l'issue de la bataille de Wagram, Napoléon va aussi créer un régime d'alliance dynastique en se mariant avec Marie-Louise d'Autriche, hein, de la famille impériale. Alors, il y a toujours le Royaume-Uni qui est l'ennemi de l'Empire. Atavique, Et la Russie est censée être un allié, mais un allié pas très fidèle, et notamment qui ne respecte pas l'application du blocus continental qui avait été créé en 1806. Et c'est une des raisons d'engagement dans la campagne de Russie en 1812. Dont on connaît l'issue effectivement tragique. Dans le même temps, il y a une guerre en Espagne qui va aboutir à une défaite. Alors, à partir de 1808, effectivement, alors parce que Napoléon avait imposé dans le royaume d'Espagne son frère Joseph comme roi d'Espagne, et le Royaume-Uni va projeter ses forces en les envoyant au Portugal, puis ensuite en Espagne, et donc va y avoir en Espagne une dynamique d'articulation entre la guérilla, c'est-à-dire la révolte de la population civile, mais aussi, bien sûr, militaire, de l'Espagne, qui va se combiner avec l'invasion de l'Angleterre, dirigée par Wellington. Ensuite, on connaît l'issue fatale de la guerre contre la Russie, repli de la France. Pour la première fois en 1814, la France est envahie par les armées alliées, puis les 100 jours, puis Waterloo. Je n'ai pas besoin de détailler tout ça. Alors venons-en maintenant à une réflexion sur ce que ces guerres ont signifié dans la suite. Comment caractériseriez-vous ces guerres que nous considérons aujourd'hui, ces guerres de Napoléon ? Alors je dirais qu'il y a trois critères qui permettent de les définir. Alors le premier, c'est le critère de l'engagement du corps civique national dans la guerre. Napoléon s'appuie sur la conscription qui avait été créée en 1798 dans la période révolutionnaire, mais c'est lui qui a mis fin à la révolution qui va en profiter. Et alors ça a alimenté par la suite certaines critiques, notamment de la part de Jaurès, qui reproche à Napoléon de s'être appuyé sur le mode du citoyen-soldat en privant le soldat de ses droits civiques de citoyen. Malgré tout, à cette époque, ce critère, ça a alimenté par exemple la notion de guerre nationale. Alors le deuxième critère, c'est que Napoléon a créé un régime de guerre qui lui a permis d'utiliser efficacement donc cette armée qui était une armée très nombreuse grâce à la conscription. Ça a quand même permis à fournir beaucoup de ressources humaines qui a dépassé même le seuil d'un million de soldats. Eh bien, il a créé un régime de guerre qui lui a permis de projeter ses effectifs très importants vite et loin. c'est un régime, un système de campagne, de faire des campagnes qui se manifestent, par exemple, par la célèbre campagne d'Austerlitz, qui Austerlitz, ça se situe à plus de 700 km du Rhin, qui était le point de départ, et puis ensuite la campagne de Russie, là, c'est encore plus lointaine. On passe de 20 km par jour, calculez-vous, 30 ou 40, voilà, je ne sais pas comment ces malheureux faisaient. Effectivement, le système des marches mis en place par Napoléon s'appuie effectivement sur une capacité des soldats à franchir 40 km par jour. Ce système de guerre a alimenté une autre caractéristique des guerres napoléoniennes, c'est que justement, comme les armées napoléoniennes peuvent se projeter vite et loin, eh bien, ça a engagé la totalité de l'espace européen dans la guerre. Jusqu'à présent, il y avait eu des guerres européennes, mais qui se concentraient sur certains espaces. Là, Napoléon, lui, il a créé un système de guerre qui s'est étendu sur tout l'espace européen. Bon, pour résumer, les guerres napoléoniennes, ça va du Portugal à la Russie. Et ça, ça a été le principal facteur du développement des pertes de guerre. Parce que les guerres napoléoniennes n'étaient pas particulièrement intenses. Par exemple, si on examine le critère des taux de pertes des batailles, eh bien, les taux de pertes des batailles napoléoniennes n'étaient pas très élevés. C'était en moyenne. Par rapport à 14-18. Mais Chateaubriand explique que c'était épouvantable, et 5 millions de morts. Alors, 5 millions de morts, c'est ce que certains disent à l'échelle européenne. Les estimations qui ont été faites sur l'ensemble des pertes des guerres napoléoniennes, c'est actuellement entre 3 et 5 millions. Et en France, c'est 900 000. Ce qui a provoqué quand même ces pertes, c'est l'ampleur des guerres et pas leur intensité. Parce que c'est le troisième trait propre à ces guerres. Absolument. Et ça alimente à l'époque la perception d'une violence des guerres. Maintenant, sur le plan concret, elle ne se caractérisait pas par une grande intensité. Et d'ailleurs, contre le lieu commun qui est souvent projeté sur les guerres d'avant l'époque napoléonienne, on parle parfois de guerre en dentelle. Eh bien, les taux de perte dans les batailles, par exemple dans les batailles de la guerre de 7 ans, les batailles livrées par le roi de Prusse Frédéric II, eh bien, il y avait des taux de perte qui allaient au-delà de 30%, morts et blessés. Or, la moyenne des batailles napoléoniennes, c'est 12%, morts et blessés. Et donc, c'était des guerres qui se définissaient par un concept qui avait été beaucoup exploité par Carnot pendant les guerres révolutionnaires, le concept d'économie des forces. Le grand organisateur de la victoire, Lazare Carnot. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, à l'époque des guerres révolutionnaires, en 1792-1797, la guerre de la première coalition, le taux de perte moyen des batailles, c'est 7%. C'est la période, contrairement au lieu commun qu'on projette souvent sur les guerres révolutionnaires, comme des guerres d'une grande intensité, etc., eh bien, les guerres révolutionnaires, c'est la période avec le plus faible taux de perte des batailles de l'époque moderne. On voit déjà dans votre propos, Hervé de Révillon, ce qui va structurer les grands débats dans la mémoire des guerres de Napoléon au XIXe et au XXe siècle. Avant d'avancer dans le siècle, je voudrais vous faire entendre cette interview d'un Saint-Cyrien sur la bataille d'Austerlitz. Le 2 décembre 1805, donc, le soleil d'Austerlitz. C'est une émission de France Culture le 5 décembre 1967. Et vous nous direz ensuite ce que cette manière de raconter l'histoire, ce moment essentiel et symbolique, le soleil d'Austerlitz, ce que cela peut nous dire sur la trace des guerres de Napoléon dans les sensibilités contemporaines. On est en 1967. Naturellement, Napoléon avait choisi une technique qui consistait à reculer le plus possible. Il avait déjà dépassé Vienne. Il avait Vienne dans le dos. Et les Russes étaient devant lui et ils veulent livrer bataille. Et Napoléon leur a fait croire qu'il était plus faible et qu'il allait reculer. Alors ça s'est passé de cette manière. C'est que toutes les armées russes, autrichiennes, se sont retrouvées dominant le Pratzenpanzer, Napoléon était dans le bas. Les Russes et les Autrichiens ont dit, nous allons tourner Napoléon et nous allons lui couper la route de Vienne, c'était le réflexe automatique. Et Napoléon leur a dit, bon, ben, ils voyaient très bien le piège que voulaient leur tendre les Russes, et il les a laissés faire. Il a dégarni son aile, façon à ce que les Russes puissent tourner plus facilement. Et puis au petit matin, quand le brouillard s'est levé et que le fameux soleil d'Austerlitz s'est levé, Napoléon a vu à ce moment-là que le plateau était à peu près dégarni de toutes ses troupes, puisque les troupes descendaient pour couper la route. Alors les ailes, elles ont eu un combat très très dur, elles ont été absolument décimées, c'est là où les plus grosses pertes ont eu lieu. Et au petit matin, quand la bataille commençait un peu, Napoléon commençait à reculer, à perdre du terrain, il a fait lancer le gros paquet sur le centre, qui a complètement coupé en deux l'armée russe et autrichienne, a complètement désolidarisé les deux ailes. On dit, la légende dit, enfin c'est assez faux, que les Russes se sont noyés dans le lac parce que les obus rougis avaient fait fondre la glace. Ça, c'est pas vrai. Il n'y en a eu que quelques-uns. Mais c'est vrai qu'il y a eu une débandade, quelque chose d'effroyable. Jamais plus aucune bataille dans le monde ne verra une pareille réussite. Parce que, en une seule bataille, 2 mois de campagne, avec 45 000 hommes. Il avait 45 000 hommes contre 100 000 austro-russes. Il y en a eu, à la fin de la bataille, il en avait 70 000. Mais enfin, il a toujours eu l'infériorité numérique. Ce récit vous paraît bienvenu ou marqué d'un esprit un peu légendaire, Hervé Drevillon ? Je dirais les deux. Alors d'abord parce que la bataille d'Austerlitz dans la mémoire saint-cyrienne, elle a un rôle vraiment déterminant parce que Austerlitz, c'est la première bataille au cours de laquelle les officiers formés à l'école de Saint-Cyr, qui à cette époque ne s'appelle pas encore Saint-Cyr, mais qui avait été créée en 1802 par Bonaparte, c'est la première fois que des officiers formés dans cette école ont été engagés dans une bataille. Donc il y a cette dimension légendaire, mais qui n'alimente pas que des fantasmes. D'où d'ailleurs la surprise lorsque Dominique de Villepin, Premier ministre et grand spécialiste de Napoléon, enfin en tout cas se posant comme tel, avait refusé que la France soit présente à la commémoration pour le bicentenaire d'Austerlitz, alors qu'on avait envoyé des vaisseaux à Trafalgar. Mais laissons cet aspect des choses. Ce texte nous dit quoi sur la longue durée de la présence de ces guerres napoléoniennes dans les sensibilités et dans les comportements ? Ce que souligne très bien cet officier, c'est que la bataille d'Austerlitz, eh bien, elle engage la totalité des dimensions de la guerre. La dimension tactique, la dimension opérative et la dimension stratégique. Sur la dimension tactique, c'est-à-dire la façon de mener la bataille. Et bien là, il souligne l'enjeu d'un type de manœuvre que Napoléon, d'ailleurs, a aussi, après Austerlitz, a contribué à systématiser. Il y a un autre aspect des choses, c'est la question qu'il évoque des effectifs. Ça, c'est un point très important dans l'histoire de ces guerres et de leur mémoire. Exactement. Ce qu'il souligne, alors là, c'est la dimension opérative, c'est-à-dire il insère Austerlitz dans une campagne. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques des guerres napoléoniennes, c'est la capacité à projeter des armées nombreuses dans des espaces lointains. Parce que, bon, Austerlitz, ça se trouve à peu près à plus de 700 km du Rhin. Hein, et c'est depuis la barrière du Rhin que l'armée napoléonienne s'était engagée dans cette campagne. Il nous dit 45 000 contre 100 000. Bon, malgré tout, c'est pas des effectifs considérables, mais projeter autant d'hommes aussi loin, eh bien, ça soulève des problématiques de soutien logistique. Comment les nourrir, comment les alimenter, s'appuyer sur quelle base ? Sans compter l'enjeu de la mort des hommes, tout simplement. Chateaubriand écrivait à propos de Napoléon, il a fait périr dans les 11 années de son règne plus de 5 millions de Français, ce qui surpasse le nombre de ceux que nos guerres civiles ont enlevés pendant 3 siècles. Estimation probablement largement gonflée, mais, oui. Mais néanmoins, dans la réflexion rétrospective sur ces guerres napoléoniennes à quoi nous attachons aujourd'hui, c'est un élément important. Combien a-t-il fait tuer d'hommes par rapport à ceux que la barbarie de fer et de sang du XXe siècle, par exemple, a tués ? Effectivement, ça c'est un des reproches qui ont été formulés à l'encontre de Napoléon après son effondrement, bon, notamment par un théoricien de la guerre qui était un de ses anciens généraux, le général Rogna. Il l'a critiqué en disant justement « projeter des armées aussi nombreuses, aussi loin, sans s'appuyer sur un soutien logistique, etc. » Eh bien, et d'ailleurs, Rogna le dit, « si Napoléon avait perdu la bataille d'Austerlitz, eh bien, l'armée, elle n'aurait pas pu se replier, et elle est dit, Ce qui se serait passé après Austerlitz, qui a eu lieu le 2 décembre, ça aurait été la même chose que la retraite de Russie. Alors je voudrais que nous en venions maintenant à la période de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, où commence de se développer une démarche critique des guerres napoléoniennes, avec cette invention très intéressante de l'histoire-bataille, la formule de l'histoire-bataille, qui est due à un personnage un peu oublié, mais que vous avez raison de mettre en lumière, je veux dire Alexis Monteil. Dites-nous-en un peu plus, Hervé Drévillon. Alors Alexis Monteil, c'est un historien qui, à partir du début des années 30, 1830, a engagé un projet éditorial qui s'appelle « L'histoire des Français ». Et Alexis Monteil explique « Ce qui est important, ça n'est pas l'histoire de France concentrée sur des événements, c'est l'histoire des structures ». Social, économique. Alors, il ne formule pas le concept d'histoire sociale, mais enfin, bon, malgré tout, il en expose tout à fait le contenu. Alors, que dit-il sur les guerres napoléoniennes en particulier ? Il se concentre justement sur le fait que les guerres napoléoniennes ont alimenté l'exaltation de la bataille. Il propose même, et il s'adresse aux militaires en leur disant, si vous voulez analyser les batailles, intéressez-vous aux structures anthropologique, social, parce que c'est aussi au début du 19e siècle que sont nées les sciences humaines. Et d'ailleurs, la théorisation, il y a même la dimension anthropologique, la psychologie, etc. C'est déjà Duby étudiant la bataille de Bouvines. Alors, bon, effectivement, c'est exactement ce que Georges Duby a fait au début des années 70, 1970, dans son étude de la bataille de Bouvines. Et en même temps, il y a un contraste avec la naissance de la galerie des batailles que veut Louis-Philippe en 1837, qui au contraire braque l'attention sur non seulement sur les batailles, mais sur les chefs conduisant les batailles. Ce contraste est frappant, non ? Alors, les représentations iconographiques des batailles, elles s'appuient généralement, effectivement, sur une petite séquence événementielle, sur une concentration et même sur une essentialisation de la bataille. Bon, par exemple, il y a des peintres qui représentaient, notamment le peintre Gros, qui a été exalté par Napoléon, qui a représenté la bataille d'Eylau en 1807, où là, il se concentre sur une petite séquence événementielle qui montre l'empathie de Napoléon à l'égard de ses soldats blessés. Donc, oui. Et cela a forcément des conséquences sur le regard jeté par les analystes, les officiers, les politiques ultérieures sur ces guerres comme modèle ou au contraire comme repoussoir. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Alors il est temps, Hervé Drévillon, que nous en venions à ce prince de la pensée stratégique. En tout cas, il a été considéré comme tel par plusieurs générations. Je veux dire Clausewitz, avec son livre fameux, posthume d'ailleurs, De la guerre. Je vais vous en proposer un extrait, avec une formule qui est restée fameuse, vous allez voir. Une lecture de Daniel Königsberg dans La fabrique de l'histoire d'Emmanuel Laurentin sur France Culture le 11 novembre 2008. On sait évidemment que seuls les rapports politiques entre gouvernement et nation engendrent la guerre. Mais on se figure généralement que ces rapports cessent avec la guerre et qu'une situation toute différente, soumise à ses propres lois et à elle seule, s'établit alors. Nous affirmons au contraire. La guerre n'est rien d'autre que la continuation des relations politiques avec l'appoint d'autres moyens. Nous disons que de nouveaux moyens s'y ajoutent pour affirmer du même coup que la guerre elle-même ne fait pas cesser ses relations politiques, qu'elle ne les transforme pas en quelque chose de tout à fait différent, mais que celles-ci continuent à exister dans leur essence, quels que soient les moyens dont elles se servent, et que les fils principaux qui courent à travers les événements de guerre et auxquels elles se rattachent ne sont que des linéaments d'une politique qui se poursuit à travers la guerre jusqu'à la paix. Nous avons déjà remarqué d'une façon générale que la défense est plus aisée que l'attaque. Mais comme la défensive a un objectif négatif, celui de conserver, et l'offensive un objet positif qui est de conquérir, et comme ce dernier accroît nos propres ressources de guerre, tandis que la conservation ne le fait pas, nous devons dire, pour nous exprimer avec précision, que la forme défensive de guerre est en soi plus forte que l'offensive. Telle est la conclusion que nous cherchions, car bien qu'elle soit absolument naturelle et qu'elle ait été confirmée des milliers de fois par l'expérience, elle demeure tout à fait contraire à l'opinion régnante. Preuve de la façon dont les écrivains superficiels embrouillent les idées. Si la défensive est la forme la plus forte de la conduite de guerre, mais a un objectif négatif, il est évident que nous ne devons y recourir que si notre faiblesse nous y oblige et qu'il faut l'abandonner dès qu'on se sent assez fort pour viser un objectif positif. Cette dialectique entre politique et guerre est au centre de ce que l'on peut savoir et comprendre de Clausius, mais peut conduire à des interprétations de nature très, très variée. Je relève ce que dit le général Benoît Durieux, qui est actuellement chef de cabinet militaire du Premier ministre et qui est aussi historien, qui écrit que il faut se référer à Clausewitz pour expliquer que la réflexion sur la guerre la plus efficace, et en particulier en période de transformation, n'est pas celle qui propose des recettes pour le succès, mais celle qui vise à le comprendre et à entrer dans sa logique interne. Fin de citation. Il me semble que l'histoire des études sur Clausewitz illustre cela assez bien, l'évolution. Effectivement, l'influence de Clausewitz et sa vision des guerres napoléoniennes a eu un grand impact sur la façon, justement, de considérer dans la théorie militaire, mais je dirais même aussi dans l'histoire militaire, les guerres napoléoniennes. Alors dites-nous ça. La démarche clausewitzienne, d'abord, elle s'appuie sur une dimension essentialiste. C'est-à-dire que Clausewitz explique donc que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, et donc l'essence de la guerre, c'est une essence politique. Mais il y a une autre essence de la guerre qu'il définit, c'est ce qu'il appelle la guerre absolue. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a une logique propre à l'essence de la guerre, qui est la logique de la violence et de la montée aux extrêmes. Et ça, c'est Napoléon ? Alors, justement, Clausewitz, sa théorie s'appuie sur deux façons de considérer la guerre, ce qu'il appelle la guerre réelle et la guerre absolue. Et il dit que les pratiques ordinaires, réelles de la guerre ne correspondent pas toujours à l'essence de la guerre parce que justement, la projection de la politique sur la guerre, eh bien, elle alimente beaucoup ce qu'il appelle des frictions qui font que, eh bien, les États engagés dans la guerre ne s'y engagent pas à fond et donc ne se soumettent pas à la logique de la guerre. Et donc, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais parfois, la guerre, eh bien, elle alimente sa logique propre, qu'il appelle la guerre absolue, et il dit, les guerres napoléoniennes, c'est la période où la guerre réelle a correspondu à l'essence de la guerre absolue. Là, sa définition de la guerre absolue, c'est exactement le contraire de ce qu'il a dit, de ce qu'il a écrit dans la citation qui a été évoquée à l'instant. Alors bon, vous prenez Clausewitz contre Clausewitz, c'est ça ? Ben voilà, Clausewitz, c'est le théoricien le plus opposé à Clausewitz. Il écrit « Plus les motifs de la guerre seront puissants et grandioses, plus ils embrasseront l'existence tout entière des peuples, plus la tension qui précède la guerre sera violente, et plus la guerre se rapprochera de sa forme abstraite et ne tendra davantage qu'à l'écrasement de l'ennemi, les buts militaires et politiques coïncideront, la guerre paraîtra enfin purement guerrière et de moins en moins politique. » Clausewitz ne s'engage pas dans la relation entre la guerre et la politique comme un phénomène dialectique. Il s'engage dans une dimension essentialiste. C'est-à-dire, la guerre, soit c'est la projection de l'essence de la politique, soit c'est l'accomplissement de l'essence de la guerre. C'est soit l'un, soit l'autre. Et les guerres napoléoniennes, pour lui, c'est le moment où il y a eu un dépassement de la dimension politique et une expression de la guerre absolue. Mais le problème de Clausewitz, parce qu'il a publié son ouvrage de la guerre, mais il a aussi publié, après sa mort, par sa veuve, des histoires de la campagne de 1812, de 1813. Or, justement, à ce moment-là, il se passe des choses qui sont un petit peu contradictoires avec sa définition de la guerre absolue. Je prendrai un exemple. La campagne de 1814. La campagne de 1814, elle a joué dans la théorie militaire et puis aussi dans l'histoire de France et dans la mémoire des guerres napoléoniennes après la période napoléonienne, un rôle décisif. Vous parlez de la campagne de France ? Oui. Quand Napoléon s'est replié sur la France après la retraite voilà, de Russie. Voilà, exactement. Or, quand aujourd'hui on demande à quelqu'un, à n'importe qui, quel est l'événement qui vous paraît le plus emblématique des guerres napoléoniennes ? Alors, en général, c'est Austerlitz, Waterloo, enfin bon, c'est des batailles. Or, à cette époque, l'événement le plus traumatisant des guerres napoléoniennes, c'est la campagne de 1814, parce qu'elle se termine par la prise de Paris par les ennemis et même par l'occupation de la France. Or, c'est la première fois dans l'histoire de France que Paris a été envahi et que Paris a été pris par les ennemis. Même pendant la guerre de Cent Ans, contre la monarchie anglaise, eh bien Paris n'avait pas été occupé. Donc il y a une double problématique, défensive ou offensive, rôle du politique et rôle du militaire. À cet égard, il y a un grand livre sur Clausewitz, c'est celui de Raymond Aron, oui, maintenant vieux d'un demi-siècle à peu près. Qu'apporte-t-il comme lumière nouvelle, comme interprétation inédite sur les relations entre Clausewitz et les guerres de Napoléon? Raymond Aron se concentre sur ce qu'il appelle la formule de Clausewitz, donc la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens. Nous l'avons entendu. Il se concentre lui aussi donc sur cette dimension essentielle. Et d'ailleurs, c'est un point de vue qui a été mis en perspective critique par un autre philosophe qui est Claude Lefort. Et Claude Lefort a dit que justement la faiblesse de la réflexion de Clausewitz, c'est sa faiblesse de sa réflexion sur la politique. Il dit que Clausewitz se borne à évoquer sous le nom de politique l'entendement du chef de l'État. Aron insiste beaucoup sur le fait que la guerre nucléaire, évidemment, nous en parlerons dans une émission prochaine, que la guerre nucléaire modifie les relations entre civils et militaires par rapport à ce qui se passait à l'époque de Napoléon, puisque désormais la maîtrise de l'arme nucléaire, donc de la dissuasion, dépend forcément du civil et ne peut pas dépendre du militaire. Contrairement à toutes les règles du 19e siècle, quand les militaires trouvaient qu'une fois la guerre déclenchée, ils régnaient sur tout le territoire et sur tout ce qui se passait. Et quand ça s'arrêtait, on rendait la parole aux politiques et aux diplomates. Voilà, tout à fait. Et puis d'ailleurs, qui prend la décision du déclenchement de l'arme nucléaire? C'est le chef d'État. Alors quittons Clausewitz avant que vous le fassiez trop souffrir, Hervé de Rivillon. Napoléon III, vous considérez qu'il s'inspire beaucoup des guerres de son oncle? Est-ce que ça l'influence, sa façon d'agir d'un point de vue militaire? Absolument. Alors justement, la période du Second Empire va contribuer à la concentration sur l'essence des guerres napoléoniennes, alors qui avaient été récusées quand même auparavant. La stratégie française entre 1815 et le Second Empire, elle s'était concentrée sur la défense du territoire. Avec la construction des forts, par exemple, des fortifications. Voilà. Et à partir de Napoléon III, la guerre d'Italie, par exemple, ou même avec Solferino, avec Sébastopol en Crimée, on se projette loin? Oui, voilà. La bataille de Solferino, elle alimente la projection de l'essence des guerres napoléoniennes sur celle de Napoléon III, c'est-à-dire... campagne d'Italie. C'est une victoire de Napoléon III, oui, effectivement, sur l'Autriche. C'est une victoire qui a un rôle décisif dans une campagne et même qui a un rôle décisif dans une guerre. En gros, je dirais, Solferino, c'est à peu près l'équivalent d'Austerlitz. Et donc, là, les guerres du Second Empire réactivent l'idée de le principe de la mobilité, de la projection. Par exemple, vous avez évoqué la guerre de Crimée. La guerre de Crimée, c'est une projection très très lointaine. En plus, c'est même une guerre d'outre-mer. Contre les Russes. Voilà. Bon, là, en gros, ça alimente aussi la réactivation de la mémoire de la campagne d'Égypte qui avait été menée par Napoléon. Sauf que la campagne d'Égypte, elle s'était fermée sur la dimension opérative. Elle n'avait pas eu d'enjeu stratégique. Alors que, justement, la gloire de Napoléon III, c'est de s'engager dans une campagne lointaine qui, elle, va produire des effets stratégiques. Vous parlez de gloire. Évidemment, c'est la mise en lumière à nouveau du chef par rapport aux ressorts sociaux, collectifs, aux ressorts civiques de la guerre avec les citoyens mobilisés. Paradoxalement, au fond, alors que nous savons que Victor Hugo est le plus violent et le plus efficace des adversaires de Napoléon III, lorsqu'il promeut la légende napoléonienne, il rejoint ce que recherche Napoléon III. Je ne peux pas vous priver d'une citation des châtiments, 1853, dirigée contre Napoléon III, puisque Victor Hugo dit que les choses se sont au contraire renversées. C'est exactement le contraire à ce que dit Napoléon Ier, chacun peut en juger. Écoutez ce morceau tellement connu, mais qu'on ne se lasse pas d'entendre, c'est-à-dire Waterloo, décrit par Victor Hugo dans les châtiments. C'est une lecture de Jean Desailly dans les lundis de l'histoire de François Furet sur France Culture, le 26 février 1968. Waterloo, Waterloo, Waterloo, morne plaine, comme une onde qui boue dans une urne trop pleine, dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. D'un côté c'est l'Europe, et de l'autre la France. Choc sanglant, des héros, Dieu trompait l'espérance. Tu désertais victoire, et le sort était là. Oh, Waterloo, je pleure et je m'arrête, hélas. Car ces derniers soldats de la dernière guerre furent grands. Ils avaient vaincu toute la terre, chassé 20 rois, passé les Alpes et le Rhin. Et leur âme chantait dans les clairons des reins. Le soir tombait. La lutte était ardente et noire. Il avait l'offensive et presque la victoire. Il tenait Wellington acculé sur un bras. Sa lunette à la main, il observait parfois le centre du combat. Pointe obscure où tressaille la mêlée, effroyable et vivante broussaille, et parfois l'horizon sombre comme la mer. Soudain joyeux, il dit « Grouchy !» C'était Blücher. L'espoir changea de camp. Le combat changea d'âme. La mêlée, en hurlant, grandit comme une flamme. La batterie anglaise écrasa nos carrés. La plaine où frissonnaient nos drapeaux déchirés ne fut plus dans les cris des mourants qu'on égorge qu'un gouffre flamboyant, rouge comme une forge. Gouffre où les régiments, comme des pans de murs, tombaient ou se couchaient comme des épis mûrs. Les hauts tambours majeurs aux panaches énormes et l'on entrevoyait des blessures difformes. Carnage affreux, moment fatal. L'homme inquiet sentit que la bataille entre ses mains pliait. Derrière un mamelon, la garde était massée. La garde, espoir suprême et suprême pensée. « Allons, faites donner la garde » cria-t-il. Et lanciers, grenadiers aux guêtres de Couty, dragons que Rome eut pris pour des légionnaires, cuirassiers, canonniers qui traînaient des tonnerres portant le noir colbac ou le casque poli, tous ceux de Friedland et ceux de Rivoli, comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête, saluèrent leur dieu. Debout dans la tempête, leur bouche d'un seul cri dit « Vive l'Empereur !» Puis, à pas lents, musique en tête, sans fureur, tranquille, souriant à la mitraille anglaise, la garde impériale entra dans la fournaise. Hervé Drébillon, je vous voyais écouter avec quelque chose comme l'esquisse d'une émotion, ces vers tellement fameux de Victor Hugo. Oui, tout à fait. Alors, il souligne vraiment l'enjeu déterminant des guerres napoléoniennes dans la prise en compte de la problématique de l'articulation entre la période napoléonienne et la période révolutionnaire. C'est-à-dire que les guerres de l'époque napoléonienne ont joué un rôle déterminant dans l'alimentation de l'idée d'un prolongement de la Révolution vers l'Empire, et c'est exactement ce qui se passe sous la Troisième République. Sous la Troisième République, dans les années 1880, c'est le moment où la mémoire des guerres et l'histoire des guerres napoléoniennes va se trouver exaltée. C'est d'ailleurs le moment où l'œuvre de Clausewitz a été traduite de façon intégrale en français, parce que jusqu'à présent, elle s'était justement diffusée en France sous le mode du résumé, du compte-rendu. Là, Clausewitz, il joue un rôle déterminant dans la théorie de la guerre à partir des années 1880. Il y a un homme qui est un grand professeur d'histoire militaire et de stratégie avant de devenir maréchal de France au courant de la Première Guerre mondiale, c'est Ferdinand Foch. Voilà, et Ferdinand Foch, dans ses Principes de la guerre, alors qui seront publiés en 1921, c'est une forme de génie rétrospectif. Oui, mais en même temps, il reflète ce qu'il enseignait à l'école de guerre. Voilà, exactement. Eh bien, Foch explique que la théorie s'appuie sur l'histoire, et en particulier sur l'histoire des guerres napoléoniennes, parce que dans cette époque-là, dans les années 1880-1890, il y a la perception d'une déstabilisation des principes de la guerre, et même, c'est ce qu'avait formulé un Polonais qui s'appelle Jean de Bloch, qui, dans un ouvrage qui s'intitule « La guerre future », il avait dit « Désormais, la guerre n'est plus possible parce qu'elle coûte trop cher en vie humaine et parce que la puissance de feu est devenue tellement explosive, que, eh bien, plus aucun État responsable ne peut s'engager dans la guerre. C'est déjà la dissuasion nucléaire, en fait. Bah, quasiment, voilà. Et là, justement, la théorie militaire s'appuie sur le modèle des batailles napoléoniennes pour surmonter la puissance de feu. Comment faire pour surmonter la puissance de feu? En faisant en sorte que les soldats soient exposés à la puissance de feu le moins longtemps possible. Donc les engager dans une action offensive ultra rapide et ensuite terminer l'action offensive à l'arme blanche pour surmonter la puissance de feu. Et donc c'est la raison pour laquelle la théorie militaire, et notamment Foch, s'appuie beaucoup sur le modèle napoléonien de la bataille, parce qu'ils ne veulent pas s'engager dans une guerre de position où on passerait son temps à se bombarder et donc à perdre des hommes. Mais en même temps, ils se fondent beaucoup sur l'énergie des armées révolutionnaires, ce qui d'ailleurs, dans l'histoire de l'armée, dans cette première partie de la Troisième République, est intéressant, parce que ça, c'est une recherche au fond d'une sorte de synthèse entre l'héritage 89, non pas d'un point de vue social, mais d'un point de vue militaire, et la République telle qu'elle est. Et c'est aussi ce que Jaurès, dans un livre magnifique qui s'appelle « L'armée nouvelle, 1910-1911 », qu'on ne se lasse pas vraiment de relire, c'est ce que souligne Jaurès en contredisant Foch. Il écrit ceci « Concentré dans l'admiration du maître et de ses méthodes, ils ne font, les militaires, la doxa qu'on enseigne à l'époque, ils ne font une juste part ni aux gloires et aux audaces militaires de l'ancienne France monarchique, ni au génie combattant et aux admirables inventions de la révolution républicaine, ni aux possibilités nouvelles d'action défensive dont disposerait aujourd'hui dans le monde une France de démocratie et de paix. » Un texte qui mérite d'être commenté, Hervé Derrillon. Tout à fait. Alors, ce que Jaurès met en évidence, c'est, je dirais, la dimension historique de la guerre. Il explique que la guerre, c'est un phénomène relatif, historique, qui engage plusieurs enjeux. Et contrairement à la démarche essentialiste qui consiste à s'appuyer sur le modèle des guerres napoléoniennes, qui serait l'expression d'une essence de la guerre. Dans son livre « L'armée nouvelle », il a un chapitre qui s'appelle « Les dangereuses formules napoléoniennes ». C'est dirigé contre l'état-major. Voilà, effectivement. Lui, il s'oppose à la projection d'une essence des guerres napoléoniennes sur la Troisième République. Et lui, il soulève la diversité des enjeux et des facteurs de la guerre. L'engagement du corps civique. Alors, Jaurès s'est beaucoup concentré sur la problématique de la durée de la conscription, parce que Jaurès, lui, il considère le soldat comme un citoyen et il ne veut pas que le citoyen soit engagé trop longtemps dans la guerre, alors que justement, à l'époque napoléonienne, les soldats conscrits sont entrés dans le domaine militaire et ils sont restés très très longtemps. En gros, on pourrait dire que Napoléon, il a d'une certaine façon contribué à la professionnalisation de la conscription. Bon, c'est très paradoxal, c'est un oxymore. Mais Jaurès s'oppose à cette dimension-là en disant il faut prendre en compte la dimension civique du citoyen-soldat. Il y a un dernier auteur que je voudrais que vous fassiez surgir à la fin de notre conversation sur la trace des guerres napoléoniennes au long des deux siècles qui ont suivi, c'est le général de Gaulle. On peut d'ailleurs rêver à ce qu'il aurait fait comme discours en mai 1971, s'il avait été encore au pouvoir, s'il avait survécu. Le discours de Pompidou encore, c'était en vérité plus banal. Dans La France et son armée, il consacre tout un chapitre à Napoléon, et un chapitre qui mérite qu'on s'y attarde, Hervé Derrillon. Oui, parce que au moment où il écrit cet ouvrage, eh bien, l'histoire et la mémoire des guerres napoléoniennes est devenue quand même un phénomène qui ne va pas de soi. Alors, il y a une dimension toujours d'exaltation de la mémoire napoléonienne, par exemple, qui avait été alimentée par le maréchal Joffre en 1921, au moment du centenaire de la mort de Napoléon. Par parenthèse, il est mort le 5 mai 1821. Je fais observer à ceux qui aiment la numérologie que si vous enlevez mai, vous trouvez 5-18-21 et qu'il est mort à 51 ans, 8 mois et 21 jours. Mais je ne veux pas nourrir des visions un peu numérologiques de l'humanité. Mais je tiens à dire ça parce que c'est curieux, non? Oui, c'est... Mais revenez à votre propos. Donc, au moment où de Gaulle rédige cet ouvrage, l'histoire et la mémoire des guerres napoléoniennes ne va pas de soi. Il y a toujours la dimension essentialiste et l'exaltation de la mémoire des guerres napoléoniennes qui a notamment été animée par le maréchal Joffre en 1921, c'était le centenaire de la mort de Napoléon, et le maréchal Joffre avait alimenté le prolongement des guerres napoléoniennes dans la victoire de la Première Guerre mondiale. Alors, à l'inverse, il y a eu une tendance, à la fin des années 1920 et surtout dans les années 1930, une tendance critique, pas vraiment du contenu des guerres napoléoniennes, mais une tendance critique de l'histoire des guerres napoléoniennes. Et c'est à ce moment-là, par exemple, que la critique du concept d'histoire-bataille, qui avait été formulée dans les années 1830 par l'historien Alexis Monteil, eh bien, a joué à nouveau un rôle déterminant dans le champ historique. De Gaulle, dans ce livre de 1939, qui se lit encore très très bien, « La France et son armée », a justement sur Napoléon et ses guerres des jugements assez mesurés. Il rejoint en partie Jaurès sur la nécessité de l'enracinement social d'une guerre et même s'il défend l'armée des chars, même s'il défend l'armée blindée, il ne néglige pas ce qu'un pays peut porter dans la défense. Il salue Jaurès d'ailleurs en disant qu'il a joué d'un archer superbe. Il est vrai que c'était d'une seule corde. Parce que, effectivement, il s'appuie sur le fait que Jaurès lui-même s'appuie sur une dimension historique. Il traite la guerre comme un phénomène historique. Et c'est d'ailleurs aussi ce que fait De Gaulle. Comme vous l'avez évoqué, De Gaulle prend en compte le fait des guerres napoléoniennes comme un fait social, comme un fait technologique, comme un fait militaire, comme un fait politique, comme un fait complexe. Y compris sur la fatigue des dirigeants et des maréchaux et des généraux à mesure que la guerre avance. Voilà. L'énergie se dissout. Et effectivement, et il montre comment Napoléon a réussi à surmonter cet effondrement par l'exploitation du facteur technique. Alors, qui n'est pas la projection d'une essence de la technologie, mais il montre que Napoléon a réussi à mettre en œuvre de façon tactique les bases technologiques sur lesquelles, à cette époque, la guerre s'appuyait. Bon, l'époque napoléonienne n'a pas été une époque d'innovation technologique, mais une époque de mise en efficacité des données techniques. Par exemple, je prendrais l'artillerie avec le système Gribeauval. Qu'est-ce que c'est que le système de l'artillerie Gribeauval qui a été systématisé sous l'époque napoléonienne? C'est créer une artillerie mobile. Or, justement, De Gaulle, lui, il s'est beaucoup appuyé sur cette dynamique de l'articulation entre la puissance de feu et la mobilité avec les chars d'assaut. Mais ce qui est intéressant dans la démarche de Gaulle, c'est qu'il ne projette pas une essence. C'est qu'il considère que la relation entre le temps présent dans lequel il se trouve et le passé de l'époque napoléonienne, ça n'est pas la projection d'une essence du passé sur le présent. Eh bien, il est plutôt dans une logique de concordance des temps. Si vous faites de Gaulle, décidément, il est dans notre générique, un parrain de cette émission, alors grande fierté. Terminons, si vous voulez bien, terminons, Hervé Drévillon, sur une question. Vous qui avez beaucoup enseigné, qui enseignez toujours dans les écoles militaires en particulier, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette empreinte dans les jeunes générations qui vont incarner la défense militaire de la France dans un proche futur? Il y a quand même aujourd'hui dans le monde universitaire, mais aussi d'ailleurs dans la formation des militaires, une mise en perspective critique, alors critique au sens analytique, pas au sens moral, une mise en perspective critique et historique des guerres napoléoniennes. Qui donne quoi dans la pratique la réflexion et de l'action? Dans la réflexion, maintenant, il est quand même très exceptionnel de s'appuyer sur le modèle des guerres napoléoniennes pour théoriser la guerre. Alors, il y a juste un domaine qui parfois est exploité, c'est qu'il y a un aspect des guerres napoléoniennes qui a été la guérilla espagnole. Ça a alimenté l'idée de l'essentialisation, justement, de ce qu'on appelle les guerres irrégulières. Et aujourd'hui, on le sait, c'est une des modalités quand même majeures de la guerre. Et sous l'angle de l'échec, évidemment, de l'empereur. En plus, malgré l'insertion des guerres napoléoniennes dans le champ de l'histoire scientifique et critique, c'est ce qu'on appelle la nouvelle histoire-bataille, qui maintenant ne se concentre plus sur la dimension essentialiste ni sur la dimension événementielle ou narrative. Il y a une approche désormais quand même, bon, alimentée par le célèbre ouvrage de Georges Duby sur le dimanche de Bouvines. Donc ça renouvelle l'histoire-bataille. Mais malgré tout, il y a quand même toujours tendance d'une projection sur les guerres napoléoniennes d'une essence qui est alimentée aujourd'hui par l'application aux guerres napoléoniennes du concept de guerre totale. Un auteur qui a appliqué le concept de guerre totale aux guerres napoléoniennes, c'est un auteur américain qui s'appelle David Bell. Le sous-titre de son ouvrage, c'est « L'Europe de Napoléon et la naissance de la guerre telle que nous la connaissons ». Et David Bell avait publié cet ouvrage en 2007 pour s'opposer à l'engagement des États-Unis dans la guerre d'Irak. Et donc là, ça alimente totalement cette problématique de la projection du temps présent sur le passé et la projection rétrospective de l'essence du temps passé sur le temps présent. Donc en somme, Napoléon versus Lyndon Johnson, pour faire bref. Merci beaucoup, Hervé Drévillon. Vous avez beaucoup écrit sur toutes ces questions. Vous avez supervisé la très belle série des 4 volumes de Mondes en guerre, paru chez Passé Composé depuis 2019, et en particulier organisé le tome 2, l'âge classique, du 15e au 19e siècle. Vous avez quoi actuellement sur votre établi? Alors, je suis en train d'achever la rédaction d'un ouvrage sur l'histoire de la pensée militaire de 1780 à 1837, et une pensée militaire qui, à cette époque-là, se pose contre Clausewitz. Ah, vous allez appeler ça contre Clausewitz. Eh bien, nous sommes gourmands, évidemment, dans la suite de notre conversation, de savoir quels seront vos arguments. Le livre de Gaulle, La France et son armée, a été récemment réédité et disponible en livre de poche, la collection Tempus, avec une présentation excellente d'Hervé Guémard. Hommage aussi à la revue Inflexion, puisque nous parlions des rapports entre militaires et civils. C'est une publication régulière qui s'efforce constamment de jeter un pont entre l'armée de terre en particulier et le monde des intellectuels. Samedi prochain, nous parlerons de Kipling, parce que Pierre Assouline, qui sera mon invité et qui connaît bien sa biographie, vient de faire paraître un roman à son sujet. Est-ce que Kipling, grand colonialiste, serait vraiment désuet, complètement désuet? C'est la question que nous nous poserons. Lundi matin, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit qui consacrera sa semaine à l'histoire du travail à domicile. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum avec Éric Audra à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et avec Hervé Evano pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver, comme chaque samedi, Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.